Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas, là où on sait se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours excellente ou encore le dog Midas. Si vous voulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88-679-0900. La direction et le personnel du restaurant Midas souhaitent un bon 150e à la population de Saint-Félicien et les invite à participer en grand nombre aux différentes activités. Hier, on a parlé avec Jérémy Fortin de Dolbeau-Missisquoi qui a été un choix de 5e ronde des Cataractes de Shawinigan. Là, maintenant, il y a un autre gars du haut du lac de Chambord, Jérôme Gravel, qui a été sélectionné en 3e ronde. Jérôme Gravel, dont sa mère vient d'ici, de Boumisosny. On lui parle. Salut, Jérôme! Bonjour! Jérôme, j'imagine que tu es content du fait que tu aies été sélectionné. D'abord, est-ce que c'est à peu près le rang que tu pensais ou que tu aurais pensé sortir plus haut ou plus bas? Je m'étais pas fait d'attente par rapport à mon rang de sélection. C'est certain que par la centrale du de recrutement, j'étais classé un peu plus bas que ça, donc je m'attendais pas là, à sortir... À ce rang-là, c'est certain, mais c'est toujours le fun là, de sortir. Okay. Si tu te définissais comme joueur de hockey, quel genre de joueur de hockey que t'es? À prime abord, je crois que je suis un défenseur à caractère défensif. J'aime ça aussi rentrer là, une facette physique dans mon jeu. Puis j'utilise bien mon bâton. Je crois que je suis un défenseur avec des bons pieds aussi qui se fait rarement prendre en hors position. OK. Donc, dirais-tu que t'es un genre de all-gill en plus offensif, quoi, ou... Ouais, souvent, quand j'aime me comparer là, un défenseur de la Ligue nationale, là, j'aime bien utiliser Brooks Orpik, là, c'est un défenseur gaucher aussi. OK. Puis, on a quelques ressemblances là, sur le plan défensif. OK. T'as un bon physique, je pense, en plus de ça, hein? Ouais, je suis présentement là, à 6 pieds 170. OK. Là, tu peux monter un petit peu, quoi, 6-1, 6-2? Ouais, c'est sûr que j'espère là, me rendre là, au moins à 6 pieds 2, puis... Présentement, là, cet été, c'est certain que je vais essayer de gagner un peu de masse, puis le but, là, c'est vraiment de me rendre là, avec un bon pas et une bonne grandeur. Acadie Batters, qu'est-ce que ça te dit? C'est pas une place tellement sexy, c'est quoi que l'organisation est encore meilleure. Je pense que c'est Sean Couturier qui est le propriétaire de l'équipe, je pense, d'ailleurs. Oui, exact. Là, ouais. C'est une super belle organisation, puis c'est certain là, que c'est quand même loin là, de où j'habite, là, mais moi, pour moi, c'est loin d'être une contrainte. Puis c'est une belle organisation, puis je suis content d'atterrir. OK. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a laissé entrevoir des belles choses? Est-ce qu'on t'a laissé entrevoir que tu pourrais faire l'équipe dès ta première année? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-dessus? Le coach, je ne m'a pas fait vraiment de promesses. Après avoir été repêché, j'ai eu une petite conversation avec lui. Il me parlait de ce qu'il y avait chez moi, puis des trucs comme ça. Donc, mais tu sais, sur le coup de l'émotion, je dois vous avouer que je me rappelle pas vraiment de tout ce qu'il me dit, là, mais non, il m'a pas fait de promesses par rapport à l'an prochain. Il m'a juste là, apporté ses commentaires par rapport à ce qu'il a mis sur mon OK. Est-ce que, j'imagine que tu t'en vas là avec l'idée de faire l'équipe. C'est quoi que tu as travaillé? Imagine, t'as 15 ans, 16 ans? J'imagine que c'est 15 ans, c'est encore, ton corps va se développer encore. Donc, j'imagine que c'est de développer de la force musculaire, quoi? Oui, c'est ça. Je vais essayer là, d'améliorer ma force musculaire, puis aussi en porter là, sur mon jeu. Là, c'est certain que je vais essayer d'avoir un meilleur contrôle de la rondelle, prendre des meilleures décisions plus rapides aussi, parce que je veux pas junior, c'est quand même un autre monde, puis le jeu est plus rapide, donc j'aurais pas le choix de prendre des décisions plus rapides. OK. Est-ce que les Saguenayens, ça t'a frôlé l'esprit? Est-ce que tu as eu des discussions avec les Sags? Oui, c'est certain qu'on a, j'ai eu une rencontre, là, comme plusieurs autres joueurs de la région, là, une rencontre avec les Saguenayens, puis c'est certain, je vais être honnête avec vous, je croyais quand même pouvoir sortir là, puis au draft, là, tout peut changer, donc ça, il est arrivé que je suis à la batteuse, puis j'en suis là pleinement. Quand tu as vu le nombre de défenseurs que Yannick Jean a repêché, j'imagine à quelque part que tu as dit non, je pense pas que finalement ça se termine là. Oui, c'est bien ce qui m'est passé par l'esprit. Là, je disais, après avoir pêché 4 défenseurs ouais. dans les premières rondes, je croyais aussi que mes chances de sortir à Chicoutimi étaient pratiquement nulles. Puis, d'un autre côté, je vous cacherai pas que c'est certain que je voulais pas non plus là, tellement sortir pour être le cinquième défenseur de la Chicoutimi, tandis qu'à Bathurst, je tombe là, à être vraiment le premier défenseur repêché là, au repêché à la LHGMQ en 2015. Oh. Donc, je suis vraiment satisfait pour okay. ça. Ben, Jérôme, on va se surveiller de très, très près. On va se rappeler au camp d'entraînement pour voir un peu comment ça va ton camp d'entraînement pour se donner des nouvelles. Parfait. Voilà, un petit coach en bord dont sa mère est native du site de Dolbeau-Mississigny, Jérôme Gravel. Merci, Jérôme. Merci.